RDR 103.5 Mercredi 10h-11h Musique. Bonjour à tous, bienvenue sur RDL, il est 10h et vous êtes bien sur le 103.5 dans le Centre Alsace. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver comme chaque mercredi à 10h pour une heure de musique, de variété française et internationale des années 60 à aujourd'hui. À chaque fois, une chanson égale une décennie. On commence par celle des années 60 et on remonte jusqu'à celle actuelle de 2010. Et à chaque fois, on explique une chanson. On les décrypte. Qui a-t-il derrière ces chansons? Quelle est leur histoire, leurs origines? Comment sont-elles nées? Que racontent-elles? Et comment traduire les paroles en langue étrangère? Voici tout de suite le sommaire de cette émission. Et nous allons commencer comme promis avec une chanson star des années 60, c'est Les Élucubrations d'Antoine qui est sorti en 1966. Et puis on ira 11 ans plus tard à l'Hôtel California. C'était les Eagles qui chantaient ça, on va voir que l'Hôtel California c'était pas vraiment un hôtel de luxe. Suivi à la fin des années 80 d'une grande superstar, Madonna, qui lorsqu'elle chante Like a Prayer donne un véritable tournant à sa carrière. Et puis un an plus tard, c'est Zouk Machine avec Maldon, la musique dans la peau pour leur deuxième succès qui nous fait danser pendant l'été 90 et ça nous fait encore danser à l'été 2018, suivi de Écrit l'histoire de Grégory Lemarchal, le regretté, c'est sorti en 2005, il est décédé 2 ans plus tard, et puis ensuite c'est Sugar de Maroon 5, sorti en 2015, et on aura également l'occasion de découvrir l'une des dernières chansons, des derniers tubes de Maroon 5 qui est sorti là il y a quelques semaines en 2018. Sans plus attendre, je vous propose donc de commencer. On commence donc avec la chanson spéciale année 1960 avec Les Élucubrations d'Antoine. Et donc, Les Élucubrations d'Antoine, ça date de 1966. Antoine, son vrai nom, Pierre-Antoine Mouratchioli, hein, il est élève de l'école centrale de Paris à l'époque, pour devenir ingénieur. Alors, Les Élucubrations, c'est son deuxième grand succès. Il y en a eu un premier, je vais vous expliquer comment tout ça s'est passé. En fait, il se prend dans un premier temps de passion pour la musique, en particulier la folk song, qu'il apprend à connaître lors d'un tour de l'Est des États-Unis en bus, c'était en 1965. La folk song est très appréciée par la jeunesse américaine dans les années 60. Il est aussi influencé par plusieurs musiciens, dont l'américain Bob Dylan, et tout ça fait, il se servira donc de tout ça pour ses grands succès. Alors Antoine, il est repéré par le producteur Christian Fechner en novembre 1965, et il sort son premier 45 tours qui s'appelle Autoroute Européenne numéro 4. C'est au disque Vogue, un label qui a fait débuter un certain Johnny Hallyday quelques années plus tôt, on en reparlera dans quelques instants. Alors le look d'Antoine, il pourrait presque choquer la population française dans les années 60. Il est vrai que dans les années 60, on n'avait pas vraiment l'habitude de voir un jeune de 20 ans avec les cheveux longs, vêtu d'une chemise à fleurs, une guitare sèche, voire même un harmonica. En fait, on pourrait penser, mais ça n'a pas du tout choqué à l'époque. Ça pourrait, mais ça ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'Antoine fait souffler un véritable moment de liberté et ce, dès sa première apparition télé. C'était le 8 janvier 1966 dans l'émission Main dans la main pour l'ORTF encore à l'époque. Après ce premier succès, Antoine il se remet très vite au boulot pour reconfectionner un deuxième. Et c'est là qu'est née Les Élucubrations. En fait, la chanson, elle est née un dimanche matin où Antoine se réveille avec la radio et il écoute une chanson. Perle de cristal de l'accordéoniste Yvette Horner, qui est d'ailleurs récemment décédée et à qui on rendra hommage très prochainement. Alors il n'aime pas du tout cette chanson. Il le dit dans la chanson, prêtez l'oreille aux paroles, il le dit dans la chanson. Cet air l'agace terriblement, c'est trop ancien pour lui, c'est démodé, ça ne va pas du tout. Il coupe la radio, il compose et écrit à ce moment-là en réponse Les Élucubrations. Il présente cette chanson dès le lendemain à son producteur et à son label. Mais tout le monde lui déconseille d'enregistrer cette chanson. Ça va choquer, c'est pas du tout dans l'air du temps, mais lui, il sait, il est persuadé

vitesse à l'époque avec son titre « Cheveux longs, idées courtes », réponse donc à ce succès d'Antoine. Et à noter que la presse de l'époque alimente une sorte de haine entre les deux chanteurs, entre Antoine et Johnny Hallyday, hein, qui étaient en réalité, il faut le dire, les meilleurs amis du monde. Ils n'ont eu aucune rivalité, mais pour la presse, oui. Et il faut dire que c'est pas uniquement la faute de la presse, pour une fois, il faut le dire quand même, puisque cette fameuse opposition a été orchestrée par Georges Leroux, qui en fait était le manager d'Antoine en 1966, hein, lorsque la chanson est sortie, qui n'a jamais accepté que Johnny le quitte lors de ses premiers succès, et c'est ainsi comme ça qu'il y a eu ce fameux scandale entre les deux, presque inexistant, j'ai envie de vous dire. Alors, je le disais tout à l'heure, ces élucubrations d'Antoine reflètent véritablement bien l'esprit de l'époque, cette modernité des années 60, c'est pas pour rien non plus si les Beatles émergeaient dans cette décennie-là. Et bien, pour la spéciale année 1970 de cette émission, et bien je vous propose là aussi, mais dans un autre registre cette fois, une chanson qui correspond très très bien à l'esprit de son époque. C'est le fameux Hotel California des Aigles, c'est les Eagles donc en anglais, qui date de 1977. C'est le single du groupe, hein, ici de l'album éponyme. Hotel California, c'est la face A de l'album. La chanson dure 6 minutes 11, un véritable record de l'époque, pour l'époque, tellement que c'était rare, mais une magnifique chanson, et on voit même pas passer, vous allez l'entendre, c'est 6 minutes 11. La chanson, il faut le savoir, est inspirée d'une autre, hein, quand même. La chanson s'appelle We Used to Know, de Jethro Tull, qui a ainsi inspiré cette chanson. We Used to Know, ça veut dire nous avons l'habitude de savoir. Et sur la pochette de l'album Hotel California, eh bien, on aperçoit un bel hôtel californien, complètement idyllique, paradisiaque, véritablement luxueux, le Beverly Hills Hotel de Los Angeles. Sauf que, en fait, dans la chanson, quand on creuse véritablement les paroles, eh bien, il n'y a rien de paradisiaque ni de luxueux, hein, d'ailleurs, dans cet hôtel, puisque la chanson raconte l'histoire d'un toxico coincé en cure de désintoxication pour des années et qui laissait absolument de fuir. Et on trouve, hein, des mots dans les paroles qui y font sens, les colitas, les joints mexicains, les couteaux d'acier, le vin qui n'existe plus depuis 1969, vous allez entendre 1969 dans la chanson. Et dans les années 70, en 1970, c'était véritablement la décennie de tous les excès, raison pour laquelle cette chanson, eh bien, correspond bien à l'esprit de cette époque. Et on le comprend particulièrement lorsqu'on traduit le premier couplet, les toutes premières paroles de la chanson suivie du refrain. Sur une autoroute sombre et déserte, hein, je traduis les premières paroles, un vent frais passe dans mes cheveux, la senteur tiède des colitas s'élevant à travers l'atmosphère au loin, donc la fumée, hein, des joints mexicains. J'aperçus une lumière vacillante, ma tête devint lourde et ma vue s'obscurcit. Je dus m'arrêter pour la nuit, elle se tenait debout dans l'encadrement de la porte. J'entendis la cloche de l'église et je pensais en mon fort intérieur, ça pourrait être le paradis comme ça pourrait être l'enfer. Puis elle alluma une chandelle et me montra la route. Il y avait des voix au fond du couloir. Il me sembla les entendre dire. Et là, après le deuxième couplet, il y a donc le refrain qui change par rapport au premier. Bienvenue à l'Hôtel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Quel endroit délicieux. Such a lovely face. Quel visage ravissant. They're living it up at the Hotel California. Ils font la noce à l'Hôtel California. Quelle agréable surprise. Présente tes bonnes raisons. Voilà donc pour les explications de cette chanson. C'est Hotel California et c'est bien évidemment sur RDL 68 au 103.5. Restez avec nous pour écouter les Eagles. Thank you. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. C'est Hotel California, c'est bien évidemment sur RDL 68, c'est les Eagles donc, et c'est sorti en 1977. Et là, vous savez hein, que dans cette émission musique, bienvenue d'ailleurs à ceux qui nous rejoignent. Hein, d'ailleurs, vous savez que c'est toujours Yann, hein, chaque mercredi de 10h à 11h sur le 103.5 dans le centre Alsace. Et il se trouve que on écoute les plus grandes chansons françaises et internationales par décennie, des années 60 à 2010. Mais on ne fait pas que les écouter, on les décrypte, on raconte ensemble l'histoire de la chanson, comment elle a été créée. Et justement, après les élucubrations d'Antoine dans les années 1960, et puis Hotel California, que l'on vient d'entendre, qui est sorti en 1977, eh bien je vous propose l'une des plus grandes chansons des années 80, interprétée par l'une des plus grandes stars des années 80, et pas que des années 80, encore aujourd'hui d'ailleurs. Il s'agit de Madonna, qui a célébré ses 60 ans le 16 août dernier, et oui déjà. Et Madonna, eh bien en 1989, elle a chanté Like a Prayer, comme une prière. Hein. L'album, d'ailleurs, s'intitule exactement pareil, comme Hotel California. Hein. C'est d'ailleurs un point commun entre les deux. Like a Prayer, c'est le premier single du quatrième album de Madonna. On voit donc qu'elle avait encore déjà des succès. Hein. C'était pas une débutante en 1989 quand elle a fait cette chanson. Et il faut savoir que les paroles elles-mêmes viennent de Madonna en personne. Alors le contexte quand même est peu favorable à Madonna, parce que si on remet effectivement dans son contexte, Madonna elle a pas vraiment eu de bol à la fin des années 1980 avant donc Like a Prayer. Elle a connu un cuisant échec de son film hein, sorti en 1987, Who's That Girl, des critiques défavorables de sa pièce de théâtre dans laquelle elle jouait, et en plus elle s'est séparée d'avec son mari de l'époque, Sean Penn. Résultat, à la fin des années 1980, elle est complètement dépressive. Elle se rend compte qu'en fait, qu'elle a 30 ans, qu'elle n'a plus qu'un jeune public et qu'elle veut faire quelque chose de plus mature. Elle a grandi, en fait, avec son public et son public a grandi avec elle. Résultat, elle décide pour la première fois de sa vie de s'inspirer de sa propre vie pour écrire les paroles d'une chanson. Elle prend alors comme inspiration son divorce, avec Sean Penn donc, sa mère qui, il faut le savoir, est décédée à l'âge qu'elle avait en 1988, hein, quand elle écrit les fameuses paroles de Like a Prayer, Dieu, mais aussi la famille. Et cette chanson est une sorte de mélange donc des quatre, hein, ce qui fait qu'elle voulait parler d'elle, et bien c'est réussi. Vous allez le voir. Dans un premier temps, il faut savoir que une fois qu'elle a fait les paroles très rapidement, elle a demandé à deux de ses auteurs-compositeurs de faire des musiques et de lui proposer donc des pistes instrumentales qui pourraient éventuellement aller avec les paroles de la chanson. Madonna finalement est confortée dans son choix et choisit une composition de Patrick Léonard. Ensemble, ils adapteront très rapidement la musique aux paroles en 3 heures seulement. Et dans Like a Prayer, il faut dire qu'il y a le côté religieux puisque Madonna se souvient quand elle écrit sa chanson ses souvenirs d'enfance catholique et particulièrement croyante, et elle combine d'ailleurs deux notions antagonistes, la religion donc, mais aussi la sexualité, et oui, ce qui fit particulièrement scandale à l'époque, et ce dès la préparation de la chanson, puisque Patrick Léonard n'était directement pas pour l'intégration de cette sexualité qui est implicite dans les paroles, mais il a dû ravaler sa pensée face aux remarques sèches et presque acerbe de Madonna qui n'a jamais voulu rien changer. Elle lui aurait dit apparemment si t'es pas content tu peux partir mais moi je ne changerai rien, et il est resté. D'ailleurs il faut croire que Madonna est très très persuasive. Et puis Madonna, elle décrit elle-même sa chanson Like a Prayer comme, je la cite dans une interview, la chanson d'une jeune fille passionnée, amoureuse de Dieu qui est pratiquement tout le temps sa seule figure masculine de sa vie. Alors quant à l'enregistrement, il est particulièrement difficile, alors pas au niveau de la chanson, ça se fait assez rapidement, mais du point de vue psychologique, parce que je rappelle, Madonna, elle est dépressive, elle pète plusieurs fois les plombs dans l'enregistrement, notamment lorsqu'un bassiste appelle des amis pour l'enregistrement et que ces derniers le plantent à la dernière minute, et ben Madonna pique une colère mais noire, accusant le bassiste en personne d'avoir fait exprès une sorte de complot en fait, alors qu'il n'y est strictement pour rien, il n'a rien fait le pauvre, et pourtant il se fait engueuler comme pas permis, et en plus elle fera tout pour qu'il démissionne, ce qu'il ne fit pas au final, comme quoi il y en a qui arrivent à tenir tête à Madonna, la grande Madonna. Elle l'a appelée en pleine nuit, elle lui demandait de venir en studio en pleine nuit, pour rien, pour des broutilles. Elle se moquait de lui sans arrêt et devant tout le monde, mais il n'a rien fait, et ce sont finalement des musiciens britanniques plutôt rock à la demande de Léonard qui viendront pour enregistrer la chanson. Il faut dire que la force de Madonna aussi, c'est qu'elle sait très bien quels instruments sont capables de reproduire le son qu'elle a en tête. Elle n'est pas compositrice, mais elle avait évidemment quand même quelques sons en tête. Et puis une fois les textes terminés et la musique aussi, l'idée était venue aussi d'intégrer un orgue et une chorale, un gospel même, que l'on entend partout pour la durée de la chanson. Vous entendrez forcément le gospel, ou vous l'avez très certainement remarqué si vous avez déjà écouté cette chanson, ce dont je suis sûr. Et bien, il faut savoir que c'est la chorale de l'église de Los Angeles qu'on entend chanter dans la version studio que l'on va entendre, mais pas du tout dans le clip. Ils ont refusé de faire le clip qui lui aussi était victime d'un scandale, puisque il faut raconter quand même que le clip met en scène Madonna qui se réfugie dans une église parce qu'elle est témoin d'un meurtre, quand même, pour la connotation religieuse. Bon, ok, vous allez me dire il y a l'église, mais on repassera quand même. Alors il faut savoir que Like a Prayer, je le disais tout à l'heure, marque un véritable tournant dans la carrière de Madonna, parce que c'est depuis ce titre en fait qu'elle a entretenu sa réputation de femme d'affaires redoutable. Elle n'est alors plus considérée uniquement comme une chanteuse, mais comme une auteure, compositrice, interprète, businesswoman et même actrice et comédienne. Alors sans plus attendre, on écoute la grande Madonna, la seule et l'unique Madonna, et son fameux et célèbre Like a Prayer. C'est bien évidemment sur RDL dans le 103.5. On écoute immédiatement Madonna sur RDL. C'était Madonna sur RDL avec son célébrissime. Eh bien, on le connaît tous et puis on le chante presque en chœur, hein, d'ailleurs, tellement qu'on connaît la chanson Like a Prayer. Et un an justement après cette fameuse chanson Like a Prayer, je rappelle qu'il est sorti en 1989, eh bien, un groupe franco-antillais, hein, je peux dire quand même, chante une chanson franco-antillais, je pense qu'effectivement on peut le dire, franco-guadeloupéenne en tout cas, ça c'est sûr, puisqu'il s'agit de la chanson Mal d'ordre, la musique dans la peau de Zouk Machine. Elle est sortie en 1990, véritable tube de l'été cette année-là, même en 2018, parce qu'au fond elle fait toujours recette, hein, même au nouvel an, d'ailleurs, c'est vous dire, alors qu'au nouvel an, on est au début de l'hiver. La chanson, il faut, pour raconter son histoire, remonter dans les années 1980. En fait, cette histoire débute par une histoire de famille. D'abord, Christiane Obidol, hein, guadeloupéenne de 18 ans, qui rêve de devenir chanteuse et qui part, à New York pour donc faire une formation artistique juste après son bac. Et puis, son frère aîné, Guy Houllier, veut créer un groupe de filles et il demande à Christiane Obidol en personne d'en faire partie. Elle est toujours, hein, je le rappelle, à New York. Alors Christiane, elle hésite, hein, elle accepte finalement la proposition de son frère. Bon, entre nous, je pense qu'on peut dire qu'elle a bien fait, hein, parce qu'elle a fait carrière quand même après, et pendant près de 30 ans. Résultat, elle revient aux Antilles en 1986, elle signe son premier succès avec Zouk Machine cette année-là, et en 1989 aux Antilles et 90 en France métropolitaine, eh bien, elle rencontre un nouveau succès. Avec son deuxième album, dans lequel figure Maldon, la musique dans la peau, alors c'est un trio de filles, hein, qui chantent cette chanson contre les machos, qui laissent le repas, la vaisselle, le ménage et les autres à leurs femmes. D'ailleurs, ça s'entend, hein, dans les paroles, les toutes premières paroles de la chanson qui sont en créole. Eh ben, je peux vous donner la traduction. Eh ben, monsieur Bobo, ne prends pas Bibi pour une imbécile. Si je suis tout le temps au fourneau, attends-toi à ce qu'il y ait mal donne un jour. Nettoyer, balayer, astiquer, la maison est toujours propre. Je te fais à manger, je te donne de l'amour. Et pour toi, je le fais en chantant. Aux Antilles, c'est un succès immédiat. 100 000 exemplaires vendus, un véritable record pour les Antilles. Mais alors, en France métropolitaine, qu'en est-il ? Est-ce un succès ou pas ? Bah, vous imaginez bien cuit, hein, sinon on ne repasserait pas là aussi la chanson presque 30 ans après. Effectivement, la chanson est sortie en mai 1990 en France métropolitaine. Le succès est immédiat, malgré le fait que la chanson, je le disais, soit en créole. Mais est-ce que vous savez quelle femme a écrit les paroles de la chanson, donc une sorte de réquisitoire, hein, je le rappelle, contre les hommes et les machos ? Eh bien, c'est en réalité un homme, et oui, c'est Guy Houllier, le frère de Christiane Obidol, le créateur du groupe. Et là où il a été particulièrement malin, c'est que pour en faire un succès en France métropolitaine, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il utilise dans le refrain trois verbes du premier groupe qui se prononcent pareil en créole. Nettoyer, balayer, astiquer. Et ça fait cette grande chanson, c'est Maldon sur RTL. On écoute Zouk Machine et on danse, bien sûr, en ce mercredi matin sur RDL. Ça y est, messieurs Bobo, amour des bibirites, des Ah, le fameux Maldon, donc, de Zouk Machine sur RDL. J'espère que vous avez dansé quand même, hein, sur le 103.5 dans le centre Alsace. Il faut dire que cette chanson, elle donne toujours la pêche, particulièrement en été d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi la mettre en hiver, pourquoi pas, mais oui, en plein mois de janvier pour se réchauffer quand il fait moins 10 dehors. Bon, même si avec le réchauffement climatique, c'est un petit peu rare, mais bon, ça, on s'en fiche, c'est un autre débat et dans une autre émission. Mais en tout cas, il est vrai que cette chanson fait toujours du bien, et sachez qu'elle est née en 1990 et que c'est un homme donc qui a écrit cette chanson donc pour dénoncer les machos donc qui laissent leurs femmes faire tout, en fait toutes les tâches domestiques. Et en quelque sorte là, on va passer un petit peu du coq à l'âne, parce que là c'est un homme que l'on va entendre chanter pour la chanson spéciale année 2000, sauf que lui c'était une vraie crème, une personne particulièrement gentille, et puis avec une voix très très belle. Je dis c'était parce qu'effectivement il est malheureusement décédé, il nous a quitté il y a 11 ans déjà et demi presque, et oui, en 2005, Grégory Le Marchal chantait déjà, écrit l'histoire, avec cette voix singulière qui avait fait fondre 80% des personnes qui avaient voté et qu'il avait désigné grand vainqueur de la Star Academy. C'était fin décembre 2004 et il sort ainsi un premier single juste après, précisément 3 mois après. Alors en fait, dans Écrit l'histoire, donc, que chante Grégory Le Marchal en 2005, vous savez que dans la Star Academy, lorsqu'on gagne, eh bien on gagne un album, la possibilité de faire un album. Plusieurs chansons lui sont proposées, il en retient 12 hein, pour faire un album, c'était la mode à l'époque d'en faire 12. Aujourd'hui, c'est un petit peu kiff-kiff, certains 12, 10, 18 ou 20, je crois même, pour Maître Gims, enfin bref, aujourd'hui c'est un petit peu aléatoire. Pour Grégory Le Marchal, en tout cas, c'était 12, et la chanson Écrit l'histoire, eh bien, c'est une adaptation en fait française, et oui, d'une chanson italienne, Io so che tu, composée et interprétée par le musicien napolitain Davide Esposito, qui devient tout simplement Écrit l'histoire par la suite. Grégory Le Marchal craque véritablement pour la version française, mais il faut savoir que la version italienne, elle est créée par Davide Esposito sur son piano à son domicile à Rome, donc, et que Grégory Le Marchal fond littéralement devant, dans un premier temps, la version italienne, et puis après pour la version française. L'album, lui, est sorti le 29 mars 2005, hein, donc Grégory Le Marchal, soit 3 mois seulement après sa victoire à la Star Academy, et 4 jours plus tard, le titre se hisse à la 2e place des meilleurs vente. Le titre est un énorme succès, c'est le plus grand succès du regretté Grégory Le Marchal, avec sa voix d'ange qui est partie le 30 avril 2007, précisément, à seulement 24 ans. Rendez-vous compte, même si vous en fichez très certainement, c'est mon âge actuel, c'est vous dire comme c'est très très jeune. Grégory Le Marchal sur RDL, toujours sur le 103.5, on profite de cette voix juste magnifique. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse, m'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire. Tu préfères un genou parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire est regretté Grégory Lemarchal avec cette magnifique chanson, je le disais, Écrit l'histoire, qui a déjà de 2005 hein, quand même, et le jeune chanteur nous a quitté déjà il y a 11 ans, 2007, donc je le rappelle, et puis c'était bon aussi de pouvoir le réécouter sur RDL, et vous savez maintenant que cette chanson, je ne le savais pas moi-même d'ailleurs, hein, je l'ai appris, je vous l'avoue, en préparant cette émission, comme grand nombre d'histoires, je ne vais pas le cacher, est l'adaptation d'une chanson italienne qui a été ainsi traduite en quelque sorte en français. C'était ainsi un hommage implicite, si on peut dire, rendu à Grégory Lemarchal et sa voix magnifique qui a fait deux albums en tout, mais qui n'a pas eu le temps d'en faire énormément. Et maintenant, je vous propose la chanson des années 2010, la plus récente parmi les six premières chansons que nous diffusons. Et là, maintenant, on va entamer un chapitre Maroon 5 dans cette émission, puisqu'on va écouter deux chansons de ce groupe américain. Dans un premier temps, le titre Sugar, qui veut dire sucre, tout simplement, et qui est sorti en 2014. C'est issu du cinquième album du groupe américain Maroon 5, avec Adam Levine comme leader. C'est un grand trait tatoué avec une voix particulièrement aiguë que vous allez entendre, parce que oui, contrairement aux apparences, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien un mec qui chante et pas du tout une femme comme on pourrait le croire. Alors, sugar, donc sucre, hein, je le disais, et dans la chanson, c'est une sorte de comparaison avec la douceur du sucre, puisque c'est une chanson d'amour. Si on traduit le refrain, hein, ça dit « Et je dois avoir un petit goût de sucre, oui s'il te plaît, ne viendras-tu pas m'en déverser ? Oh, juste là, parce que j'ai besoin d'un peu d'amour et d'un peu de sympathie, ouais, que tu me montres un amour bon, que tout aille bien, j'ai besoin d'un peu de douceur dans ma vie, de sucre, oui s'il te plaît, ne viendras-tu pas m'en déverser ?» Alors, il faut dire que l'histoire de la chanson est particulièrement intéressante, peut-être même plus d'ailleurs, faut être honnête, que la traduction des paroles en français elle-même. La chanson, en fait, avait été faite au préalable par un autre artiste moins connu, pour un autre artiste moins connu, le même. En gros, l'artiste américain Mike Posner avait ainsi écrit et composé cette chanson pour lui-même, pour son prochain album. Et le leader de Maroon 5, lui, Adam Levine, donc entend l'existence de cette chanson et il la veut absolument pour son prochain album. Bah, Posner, lui, il refuse. Hein, bah oui, c'est un petit peu sa chanson pour son album. Hein, donc en même temps, il aurait tort à ce moment-là de la donner. Sauf que l'album de Mike Posner ne s'est pas fait. Il a été annulé à cause de la maison de disques du chanteur, et du coup, il accepte de donner la chanson à Maroon 5. Et on va pas se mentir, il l'a bien fait, parce que je ne pense pas que ça aurait eu le même succès s'il avait lui-même chanté. Alors, le groupe ne va pas abandonner le chanteur, hein, puisqu'il collabore à l'arrangement de la chanson pour coller véritablement à la voix d'Adam Levine. Il ne donne pas le produit tel quel et hop, c'est bon, merci, tu peux y aller. Non, ils collaborent ensemble pour ce titre. Le clip, lui, est particulièrement intéressant, encore plus, je trouve, que l'histoire de la chanson, parce qu'en fait, il est surtout original, puisqu'il faut savoir que Maroon 5 fait une très belle surprise dans ce clip. Ils vont dans des mariages, ce sont des vrais mariage. Il y a toujours eu cette ambiguïté des vrais ou mise en scène ou pas, mais en tout cas, on nous le vend comme un vrai mariage. On va dire que c'est vrai pour la féerie. Allez, allons-y. Moi, je pense personnellement que c'est vrai. Il suffit de regarder le clip sur YouTube et puis vous me dites hein, si vous pensez sur Facebook ou pas, que ou sur Twitter d'ailleurs, hein, que c'est un vrai clip ou un clip mis en scène. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans le clip, ils font une belle surprise au mari. En fait, le jour de leur mariage, ils performent sans rien leur dire. Et c'est ça qui fait le clip de la chanson. Ils sont allés à 3-4 mariages. Hein. Certains connaissaient le groupe, d'autres pas. Ou d'autres se rappelaient simplement du chanteur, hein, celui qui a la voix aiguë, parce qu'il fait aussi The Voice, hein, il est coach dès la première saison de The Voice aux États-Unis. On doit en être à la 16e hein, aujourd'hui, donc c'est vous dire que c'est vraiment un grand pilier de The Voice aux États-Unis, un petit peu comme Florent Pagny jusqu'à cette année. Le clip a été vu 2,6 milliards de fois, c'est vous dire quand même s'il est beau, puisqu'il y a eu un énorme succès. Et en fait, le groupe chantait donc la chanson que vous allez entendre pour les besoins du clip, où l'on voit les airs surpris des mariés et de leurs invités. Et ensuite, une fois que c'était fait, bah, les caméras étaient éteintes, hein, parce que ça, c'était uniquement pour la partie clip. Et le groupe chantait gratuitement pour les remercier, en quelque sorte, d'avoir un petit peu... Ils avaient peur, évidemment, de ruiner leur mariage, parce qu'ils avaient peur que les mariés n'aiment pas le groupe, en leur chanson, une chanson très connue de une chanson d'amour leur plus célèbre, pour leur faire plaisir et pour se faire pardonner de s'incruster, en quelque sorte. Hein, le groupe, vous le savez maintenant, ne connaissait pas du tout les mariés. Il faut savoir que ce clip a été inspiré du film américain Serial Nosser, qui date de 2005, avec Owen Wilson et Vince Vaughn dans l'histoire principale. C'est l'histoire en fait de deux amis immatures qui s'invitent dans des mariages où ils ne sont pas invités juste pour coucher avec une fille. Sauf que quand chacun couche avec l'une des filles du ministre des Finances hein, qui se marie, bah forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors à noter que le réalisateur du clip de Maroon 5 et du film hein, avec Owen Wilson et Adam Levine se connaissent hein, puisque les parents de l'épouse du réalisateur sont très amis avec les grands-parents du chanteur du groupe Adam Levine donc, et ils se retrouvent tous les deux régulièrement pour Noël et c'est le chanteur lui-même que vous allez entendre tout de suite qui demande donc au réalisateur de réaliser le clip de la chanson Sugar, c'est Maroon 5 sur RDL. C'était Maroon 5 sur RDL 68, une première chanson sur les deux que je vous propose. Et

la voix aiguë que vous avez entendue pendant les deux derniers titres qu'il est, comme quoi la chanson peut aussi mener à YouTube, et pas seulement de YouTubeur à star, mais aussi de star à YouTubeur en quelque sorte. Et c'est déjà la fin de cette émission, j'espère vraiment que vous avez aimé, j'espère vraiment ça vous a intéressé, que le choix des chansons était pertinent pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me le dire, n'hésitez pas également à partager cette émission, à la faire exister aussi par le biais de votre entourage si elle vous a plu, évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve avec grand plaisir mercredi prochain à partir de 10h évidemment pour une toute nouvelle émission, un tout nouveau numéro donc de musique. Je rappelle donc que dans cette émission vous avez ainsi pu voir l'évolution de la musique française et internationale des années 1960 à 2018. On a effectivement passé des élucubrations d'Antoine à Maroon 5, et oui, on est passé par Madonna, on est passé par les Eagles, on est passé par plein de groupes, on est passé par plein de choses, et comme quoi, c'est véritablement officiel, on est vraiment ainsi allé dans les fins fonds en quelque sorte de la musique. J'ai vraiment essayé de montrer un petit peu toutes les facettes, un petit peu toutes les possibilités qu'offre la musique d'hier à aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines émissions. Je vous souhaite une excellente fin de journée, très belle fin d'été à tous évidemment. Restez à l'écoute du 103.5, vous êtes toujours sur RDL. Salut.